إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence notre deuxième cours au sujet de Jama'at Tabligh et au sujet des égarements qui sont présents dans cette Jama'at et dans cette secte. Donc, au cours passé, on a commencé à lire les paroles du Cheikh Sultan Al-Aid. On a lu aussi les paroles du Cheikh Al-Urayni. Et aujourd'hui, donc, on va continuer avec le Cheikh Sultan Al-Aid dans son livre qu'il a écrit sur Jama'at al-Tabligh. Mais en même temps, juste avant de commencer avec ça, il y a un livre qui est écrit au sujet de la signification de la ilaha illallah chez les Hizbiyin et chez Jama'at Tabligh. Il y a un talib ilm, un cheikh qui a écrit un livre qui s'appelle Abu Abdullah Al-Masna'i Al-Anasi. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Jahl Al-Mubin bima'na la ilaha illallah 'inda at-Tabligh wal-Hizbiyin. Ça veut dire la grande ignorance, l'ignorance évidente de la signification de la ilaha illallah pour les gens de Jama'at Tabligh, pour la secte de Jama'at Tabligh et pour les Hizbiyin. Les Hizbiyin, c'est les partis islamiques. Donc, ils donnent des explications sur les erreurs que ces groupes-là possèdent dans leur compréhension de la ilaha illallah. J'ai pensé qu'avant de commencer dans quoi que ce soit, donc si on parle de Jama'at Tabligh, ben de commencer par la base, de commencer par la ilaha illallah, c'est ce qui est le plus important, puisque c'est ce qui va faire en sorte qu'on va comprendre par la suite tout le reste de leurs égarements par la suite. S'ils ont un égarement ou s'ils ont des égarements dans la compréhension de la shahada et de la base de cette religion, eh bien c'est évident qu'ils ont des égarements dans le reste aussi. Donc c'est pour ça qu'on va commencer à parler de cet aspect-là, puis par la suite on commencera à critiquer d'autres aspects des égarements de cette Jama'a et de cette secte. Donc le Cheikh il commence en disant Jama'at al-Tabligh far'un 'an as-Sufiyya wa litha taqarabat afkaruhum wa tala'amat tiba'uhum wa ittafaqat kathirun min sifatihim wa aqwalihim wa rahmatullahi 'azza wa jalla 'ala al-Albani idh su'ila 'anhum fa qala sufiyyatun 'asriyyah. وهذه لهذه الفرقة الضالة شطحات كثيرة ومن أعظمها هدمهم لمعنى لا إله إلا الله ومقتضاها وتفسيرهم لها تفسيرا باطلا يدل على ما عندهم من الجهل والبلاء والانحراف عن الحق والهوى عن الحق والهدى وقد وصفهم الشيخ عبيد الجابري بقوله قبورية ديوبندية خرافية شركية وذلك في رده على جابر الجزائري. Donc ici le cheikh il commence à expliquer que Jama'at al-Tabligh c'est une des branches parmi les branches du soufisme. Il découle du soufisme et donc c'est normal que leurs idées soient proches les unes des autres, qu'ils aient des idées qui sont très proches des idées des soufis. Et on voit que le soufisme est rentré dans leur tempérament et dans leur nature. étant donné qu'ils sont inspirés de ce mouvement-là et de cette tendance-là. Et il y a beaucoup de leurs caractéristiques, beaucoup de leurs expressions et de leurs paroles, quand on les entend, on voit que ça découle directement des paroles et des, du tempérament et du comportement des soufis. Hein? C'est pour ça que parfois les gens ne comprennent pas réellement quand ils voient des salafis et qu'ils voient qu'il y a des salafis qui viennent leur parler, ou bien qu'ils entendent des cours donnés par des salafiyins qui ordonnent le bien, qui interdisent le mal. Eux, ils se disent « Ah, mais comment ça se fait, vous? Les salafis, vous êtes durs, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, vous n'avez pas de sagesse. » Il y en a qui disent ça. Et ils ne comprennent pas. Hein? Ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la réalité de la sagesse non plus. Et ils s'imaginent que pour être sage et pour avoir de la sagesse, il faut agir comme les soufis. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais dénoncer un mal. Quand tu vois quelqu'un qui fait les pires des choses, les pires des harams, il ne faut jamais le dire, il ne faut jamais critiquer ça, il ne faut jamais condamner ça. Si tu vois quelqu'un qui a des erreurs dans sa aqida, ou dans sa façon de penser, dans sa façon de croire, il ne faut jamais le dire, il ne faut jamais le critiquer. Hein? Il faut commencer par l'appeler à d'autres choses en premier pour, soi-disant, après lui ordonner le bien ou lui interdire le mal d'une autre façon indirecte, mais jamais lui clarifier les choses telles qu'elles sont directement. Et ça, c'est à cause de ces méthodologies qui sont propagées dans la Ummah actuellement. Les idées des soufis, par exemple, qui ne croient pas en l'interdiction du mal, et sans parler de la méthodologie des Hizbiyin qui, eux, par soi-disant diplomatie, hein, et pour attirer des membres, ben ils vont cesser d'ordonner le bien et d'interdire le mal, soi-disant pour ne pas les faire fuir. Donc ça, c'est des exemples aussi de ces tendances-là. Et donc, ça, c'est pour nous faire comprendre que la méthode de ces gens-là est tellement propagée, tellement répandue, que quand on rencontre des musulmans qui suivent le Coran et la Sunna, qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, les gens trouvent ça étrange et ils disent... comment ça se fait que vous êtes comme ça? Comment ça se fait qu'ils trouvent qu'on est dur alors que ce n'est pas de la dureté et ils pensent que c'est un manque de sagesse alors qu'au contraire, c'est exactement d'être sage, d'appliquer et de mettre la douceur là où il faut et de mettre la dureté là où il faut. Et c'est que c'est ça la réalité de la sagesse et non pas de laisser tout passer puis de ne pas interdire le mal ou de ne pas critiquer lorsque quelqu'un fait une erreur. Donc, lorsqu'on a posé la question, le cheikh dit, lorsqu'on a posé la question à Cheikh Al-Albani, et ça c'est il y a très très très longtemps de cela, on a posé la question à Cheikh Al-Albani au sujet de cette secte, au tout début, quand elle est apparue, et Cheikh Al-Albani, il a dit, « Soufiyatun asriya », c'est-à-dire, c'est une forme de soufisme contemporaine. D'accord? Après, bon, en fait, si quelqu'un connaît les égarements du soufisme, et est au courant du danger des croyances d'égarement qui sont présentes dans le soufisme et des pratiques qui sont contraires à l'islam et contraires à la sunna à l'intérieur du soufisme, eh bien, on n'aura pas besoin de lui dire grand-chose pour lui faire comprendre que les soufis sont que les tablirs ont des égarements dans leurs pratiques et dans leurs croyances, parce qu'il comprendra déjà qu'automatiquement qu'il y a un lien avec le soufisme, déjà c'est clair qu'il y a un danger là-dedans. Mais là, celui qui ne connaît pas le danger et l'égarement du soufisme, eh bien là, malheureusement, il ne comprendra pas. Et c'est pour ça que je conseille à ces personnes-là d'écouter les cours qu'on a donnés sur la réalité du soufisme, hein, qui sont présents on les a mis sur le site salafidemontréal.com. Ils peuvent aller dans les cours là-bas qu'on a mis et écouter le cours qui s'appelle « La réalité du soufisme ». Et il va comprendre par la suite la réalité de ces gens-là et de leurs croyances et l'égarement qu'ils ont. Et puis vous allez également trouver dans ces cours-là, il y en a à peu près 15 cours, vous allez trouver la réponse à ceux qui prétendent qu'il y a un bon soufisme et qu'il y a un mauvais soufisme. Et vous allez comprendre que tout le soufisme est égarement. Hein? Sauf qu'il y a un soufisme extrémiste qui sort de l'islam, parce qu'ils croient en des choses de kufr, qu'ils croient en des choses qui sont contraires à l'islam, en wahdatul wujud, par exemple, que tout est Dieu et que Dieu est tout, et qu'on ne peut pas faire de distinction entre le créateur et la créature. Hein? Donc ça, c'est la croyance de beaucoup de soufis et beaucoup de turq soufis aujourd'hui qui enseignent ces croyances-là. dont la tariqa du fondateur de Jamaat Tablir, hein, Al-Jistiyya, eux ils croient en Wahdatul Wujud, les fondateurs de cette tariqa, et la tariqa du fondateur de ce groupe-là, ils croyaient en Wahdatul Wujud, et ça s'exprime même dans leur définition du témoignage de la ilaha illallah. Mais également, il y en a d'autres croyances comme Al-Hulul, hein, ceux qui croient que Dieu peut rentrer en certaines personnes ou devient un avec certaines personnes, ou bien Al-Fana, ou d'autres idées que les soufis possèdent dans leurs explications de leurs croyances. Et également, s'ils n'ont pas des croyances hérétiques qui arrivent au niveau, comme par exemple de croire que leurs saints et leurs shuyukh et leurs awliya ont un contrôle de l'univers, et ils appellent les awliya, certains d'entre eux ils les appellent al-ghawth ou bien al-qutb, et ils croient que celui-là c'est lui qui contrôle le monde, hein, ils les appellent les pôles, et quand il y a un malheur ou une détresse, ils s'adressent à eux et ils les appellent au secours pour qu'ils viennent les sauver, et ils croient que ce sont des êtres qui contrôlent le monde. Hein? Donc, ils croient qu'également les awliya, les saints, ont une connaissance de l'invisible, hein? Et qu'ils savent tout, et qu'ils sont parfaits, qu'ils ne font pas de péché, et ils font des miracles à volonté. Ils croient que ce sont. Ils croient qu'on ne peut pas être un wali d'Allah, un allié d'Allah, excepté si on a rempli ces conditions-là, hein? Qu'on peut faire des miracles à volonté, qu'on peut contrôler le monde, qu'on peut connaître l'invisible, qu'est-ce qui est caché dans le cœur des hommes, on peut leur dire, hein, on peut le savoir. Donc tout ça, c'est des croyances chez les soufis, qui sont des croyances de kufr, qui font que quelqu'un sort de l'islam s'il croit en ces choses-là. Mais il y a également d'autres, peut-être individus parmi les soufis, qui n'ont pas ces croyances-là, mais malgré tout, ils font des forme d'innovation et de bid'ah, hein, comme par exemple quand ils font leur zikr, ils ne font pas le zikr selon l'islam et la sunna, ils vont faire leur zikr en chantant avec de la musique, des tambours, et ils dansent en même temps dans leur mosquée. Donc ça, c'est des exemples de bid'ah, que même si tu dis par exemple non, on ne croit pas en wahdatul wujud, on ne fait pas de shirk, on ne fait pas de kufr akbar, oui, mais malgré tout vous n'êtes pas sur la sunna. Parce que si vous étiez sur la sunna, vous auriez combattu et condamné toutes les innovations et toutes les bid'ahs, hein, et pas juste un aspect ou une partie, comme ceux qui s'assoient en rond, qui commencent à faire des zikr en disant hou hou hou hou comme ça pendant des heures, et qui pensent que ça c'est du zikr. Ça n'a rien à voir avec le zikr, hein. Et ceux qui font le zikr, c'est ceux qui suivent l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui font le zikr tel qu'il l'a enseigné lui, et pas tel que les soufis le font, puisque ça n'a rien à voir avec le zikr. Bon, ayant dit ça, une fois qu'on a compris ça, vous allez voir que maintenant les soufis, les shuyukh soufis, ils prétendent que pour comprendre l'islam ou pour comprendre la religion, souvent ils se basent sur des rêves, et ils se basent sur des apparitions qu'ils ont. Par exemple, ils prétendent qu'ils voient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou ils prétendent qu'ils voient des apparitions du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve qui vient leur dire des choses, comme s'ils sont des prophètes. Et il y en a même certains d'entre eux qui prétendent des choses pires que ça encore, qu'ils peuvent voler jusque dans Al-Lawh al-Mahfouz, dans les tables préservées où Allah a écrit la destinée de l'univers et des hommes. Et bien ils vont jusqu'en haut, ils vont lire ce qui est écrit là-dedans, puis ils reviennent sur la terre. Donc ça, c'est des idées ou des croyances qui sont enseignées dans les livres des soufis, d'accord. Et donc ils prennent leur religion de ces sources-là et non pas du Coran et de la Sunna. Donc eux, pour eux, la référence, même s'ils prétendent ça, qu'ils suivent le Coran et la Sunna comme tout le monde, la réalité c'est que non, leur shuyukh, ils croient que leurs shuyukh sont au-delà du Coran et de la Sunna. Et une des manifestations de ça, c'est qu'ils peuvent inventer des adorations par eux-mêmes. Ils peuvent inventer par eux-mêmes des différentes formes de zikr, des différentes façons de zikr. Même que parmi les choses que j'ai entendues, même au sujet du cheikh, du fondateur d'établir, c'est qu'ils faisaient une des choses qui étaient enseignées dans leur tariqa, c'est de faire le zikr par le nez. Hein? faire le dhikr par le nez et de faire des respirations divines. Et ils ont une sorte de respiration qu'ils doivent faire, un peu comme les hindous dans les pratiques du yoga et des trucs comme ça. Ils ont une certaine respiration qu'ils doivent faire pour faire leur dhikr, hein, et toutes sortes de pratiques bizarres comme ça. Donc, ils croient qu'ils peuvent avoir des révélations particulières qui ne sont pas mentionnées ni dans le Coran ni dans la Sunna, et par la suite ils commencent à les pratiquer. Et si tu leur demandes pourquoi vous faites ça, ils vont dire: ah mais non, nous on a une révélation de notre cheikh, hein? Notre cheikh il nous a enseigné ça, il a eu ça dans un rêve où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu lui dire ça. Et donc ça, c'est comme s'ils ne croyaient pas au verset dans le Coran qui dit: al-yawmu akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. La religion, elle était complète depuis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Avant qu'il meure, la religion était déjà complétée. Il n'y avait rien à rajouter dedans. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les innovations. D'accord? Et il a dit que c'était les pires des choses et que c'était des égarements et que ça menait à l'enfer. Donc, on va donc continuer. Le cheikh, il dit que... Donc, Cheikh Al-Albani, depuis le début, il a senti, il a compris que ce groupe-là, c'était un groupe soufi, hein, et que c'est une forme de soufisme contemporaine. Hein. Et c'est bizarre que la plupart des groupes et des partis qui sont actifs dans le monde aujourd'hui, si vous retournez à leurs fondateurs, eh bien, ils sont toujours reliés à du soufisme. La seule da'wa qui s'est désavouée complètement du soufisme, hein, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, disons plutôt qu'au début, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de soufisme, mais quand le soufisme est apparu, les ulama d'Ahl Sunnah se sont toujours désavoués du soufisme jusqu'à aujourd'hui, hein. Et ça, on va peut-être avoir l'occasion de l'expliquer, mais sinon retournez au cours la réalité du soufisme et vous allez voir. Et tous les ulama d'Ahl Sunnah, ils ont toujours réfuté les égarements et l'ignorance des soufis tels qu'ils l'enseignent dans leurs livres et dans leurs paroles. Donc il dit que ce groupe-là, c'est un groupe, le groupe de Jamaat Tablir. Ils ont beaucoup d'égarements, et parmi les plus grands égarements qu'ils ont, c'est la façon dont ils détruisent la signification réelle de la ilaha illallah et ce que la ilaha illallah implique dans leurs interprétations et dans leurs explication fausse de la ilaha illallah lorsqu'il parle, hein? Et quand il parle de la ilaha illallah, on voit qu'ils ont une grande ignorance, ils ont des grands malheurs et des déviations très graves par rapport à la vérité et la guidance à ce sujet là et le cheikh Ubayd al-Jabiri, il a parlé de cette secte, et il les a décrits en disant que c'est une secte qui est basée sur Al-Quburiyya, hein, la vénération et l'adoration des tombes, et que c'est une secte qui est basée sur qui est à la base créée par quelqu'un qui sort de l'école de celle qu'on appelle Ad-Diobandiyya, qui est une école qui est en Inde, qui est une école soufiya, hein, et qui est remplie de soufisme et de contradictions avec la Sunna, et qui enseigne la aqida des maturidiyya, hein. Tout ça, c'est des choses qui sont enseignées par cette école-là. Et en passant, parmi ceux qui sortent de cette école, qu'on appelle les diobandiyya, les écoles qu'ils appellent Dar al-Uloum, dans différentes parties du monde, eh bien, de cette école-là, vous trouvez les talibans qui sont de cette école, et vous trouvez également, hein, les talibans en Afghanistan sont des diobandis, et aussi Jamaat Tablir qui sont des diobandis. Puis il y a une autre catégorie de diobandis qui ne sont pas dans Tablir, qui ne sont pas nécessairement avec les talibans, mais yani, qui ont les mêmes manhaj, les mêmes aqidah, qui propagent toutes sortes de croyances qui sont parfois contraires à l'islam en grande partie, et en particulier yani, qui ont toutes sortes de pratiques aussi qui se réfèrent au shirk, comme le fait de faire des talismans ou des amulettes, et de porter ça comme protection, hein, des différentes amulettes et des différents talismans et des choses comme ça qu'ils ont, et beaucoup d'autres choses aussi. Donc, lorsque Ubayd al-Jabiri a réfuté Abu Bakr al-Jazairi parce que Abu Bakr al-Jazairi souvent il a défendu les établir, alors Ubayd al-Jabiri quand il l'a réfuté, il a mentionné à leur sujet, il a mentionné cette chose là et voici maintenant il dit le cheikh wa qalu ma'na la ilaha illallah ikhraj al-yaqin al-fasid ala dhat al-ashya al-mahsusa al-malmusa al-mar'iyya wa idkhal al-yaqin al-sadiq على ذات الله أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محي ولا مميت إلا الله. Donc ça c'est la définition de Jamaat Tabligh. Comment ils définissent la ilaha illallah? Ils disent la signification de la ilaha illallah, c'est de faire sortir la fausse conviction que quelqu'un a dans son cœur au sujet des choses qui sont qu'on peut sentir, les choses qu'on peut palper, les choses qu'on peut voir. C'est-à-dire, cesser d'avoir enlever de notre cœur la conviction qu'on peut avoir en les choses apparentes et faire rentrer dans le cœur la certitude, la conviction, la certitude sincère en Allah subhanahu wa ta'ala. Et de croire qu'il est le créateur, qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah, qu'il n'y a pas de pourvoyeur de subsistance excepté Allah, qu'il n'y a pas de quelqu'un qui il y a personne qui fait vivre ou qui fait mourir excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est leur compréhension de la ilaha illallah. Et dans cette compréhension là, il y a des erreurs graves et totalement opposées à la réalité de la ilaha illallah. Cette définition là, elle est totalement fausse. Elle n'a rien à voir avec la réelle signification de la ilaha illallah et ça vous allez le comprendre dans les explications qu'on va donner, Inch'Allah. Déjà, dans cette définition-là, il y a deux grands problèmes. Le premier grand problème, c'est la notion de Wahdatul Wujud qui est dedans. Et ça, on va essayer de l'expliquer, Inch'Allah. Et il y a aussi l'autre erreur, c'est qu'ils expliquent la ilaha illallah par Ar-Rububiyya seulement, uniquement par les attributs de souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est le créateur, qu'il est le pourvoyeur, qu'il est le celui qui fait vivre et qui fait mourir, celui qui contrôle tout. Et ça c'est quelque chose que même les idolâtres de la Mecque à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient déjà d'accord avec ces choses là ils acceptaient déjà le fait que Allah c'est le seul créateur, le seul maître, celui qui est un Dieu unique, qui est pourvoyeur, qui donne la subsistance. C'était pas ça leur problème. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a pas appelés à accepter ça ou à reconnaître ça puisqu'ils le reconnaissaient déjà. Au contraire, même c'était d'utiliser cette croyance-là qu'ils avaient en un Dieu unique et en le fait que c'est lui le pourvoyeur et le créateur et le maître de toutes choses, d'utiliser ça comme argument pour les amener à rejeter l'idolâtrie et rejeter l'adoration des idoles. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait en fait de leur part, c'est les appeler au tawhid al-uluhiyya ou bien tawhid al-ibada, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc on va voir maintenant quelques points au sujet de cette définition qu'ils ont de la ilaha illallah. Donc ils disent قولهم إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء فهم بهذا يرون أن الأخذ بالأسباب مناف لكلمة لا إله إلا الله الكلمة الطيبة بل إنهم يعدون الأخذ بالأسباب طاغوت يقولون إن الأصنام خمسة فقط الصنم الأول التكسب ولو على طريق الحلال لأنها تلهي عن الدين قال أبو عبد الله وبطلان هذا القول ظاهر وفساده معلوم ولا تنسى أن هذه الفكرة فكرة صوفية دسيسة خبيثة منافية للكتاب والسنة فإن إمام الموحدين محمدا صلى الله عليه وسلم قد تكسب واتجر فماذا يا فرقة التبليغ ولما أغرق الله نوح أمر نوحا ولما أغرق الله قوم نوح أمر نوحا عليه السلام بصنع السفينة وهذا سبب للنجاة من الغرق فماذا يا فرقة التبليغ وكان زكريا نجارا وداود يصنع الدروع فماذا هؤلاء موحدون يعني عند فرقة التبليغ إنهم يريدون أن يقولوا إن لنا مقامات لم يصل إلينا الأنبياء كما قالها شيخهم ابن عربي والحلاج وغيرهما من الصوفية الملاحدة الأول. Donc, premièrement, ils ont dans cette notion de l'explication qu'ils ont de la ilaha illallah de faire sortir du cœur la certitude, la fausse certitude en les choses. Et l'explication ou la réfutation de ça, c'est, ou le problème avec ça, c'est qu'ils ne, ils ne croient pas en le fait de prendre les causes et les effets que Allah subhanahu wa ta'ala a créés dans cet univers. Donc ils nient la réalité des causes et des effets. Et c'est pour ça que lorsqu'ils expliquent parfois la ilaha illallah, comme on va l'expliquer plus tard, quand ils parlent de ça, ils disent que, par exemple, il ne faut pas croire que c'est le feu qui brûle. Il ne faut pas croire que c'est le couteau qui coupe. Hein? Ils nient la réalité des causes et des effets que Allah subhanahu wa ta'ala a créés. Et donc, dernièrement, juste pas hier, avant-hier, j'étais près d'une mosquée de Jamaat Tabligh, on a prié l'Asr là-bas. Et j'ai rencontré un monsieur que je connaissais avant, qui vient d'un pays musulman. Et ce monsieur-là, il n'était pas avec Jamaat Tabligh auparavant. Mais il est rentré avec eux, et puis depuis, il reste avec eux et il sort toujours avec eux. Hein. Donc, j'ai commencé à discuter avec lui. On parlait de différentes choses. Puis tout d'un coup, comme ça, j'ai décidé de lui poser la question. Qu'est-ce que ça signifie « La ilaha illallah » J'attendais sa réponse. Il m'a dit « La ilaha illallah » c'est de nier tout et de savoir que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui compte et qui existe. De nier tout et de savoir que c'est Allah qui existe. Et après il a dit que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a le pouvoir. Et pour lui c'était ça « La ilaha illallah ». Maintenant, quand tu regardes dans le Coran et dans la Sunna, est-ce que tu vois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, vous devez croire qu'il faut nier tout ce qui existe, excepté Allah. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas ordonné de nier tout ce qui existe. Hein? Et eux, ils veulent dire par là qu'il faut nier la réalité des causes et des effets. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le feu et il a donné au feu le pouvoir de brûler. Il ne faut pas nier que le feu a ce pouvoir-là. Eux, ils veulent nier complètement que le feu a un pouvoir de brûler. Et parmi ces gens-là, parce que ça c'est l'aqida des Asha'ira et des Maturidiyya. Ça c'est les gens de Kalam, les philosophes. Ils rentrent avec des philosophies comme ça. Qu'il ne faut pas croire que le feu a un pouvoir de brûler. Si tu crois que le feu a un pouvoir de brûler, tu deviens mouchrik. Si tu crois que le couteau a un pouvoir de couper, tu deviens mouchrik. Hein? Et ça n'a rien à voir avec le tawhid. Ça, c'est en contradiction même avec le tawhid. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'affirmer les choses qu'il a créées et de croire qu'il a créé en ces choses-là certaines forces et certaines capacités. Et cette force-là, elle est uniquement présente en cette chose-là parce que Allah l'a mis dans cette chose-là. Et c'est Allah qui lui a donné cette force et cette capacité. Mais il ne faut pas nier cette capacité-là complètement et dire qu'elle n'a aucun pouvoir ou aucune force. Ou de nier que les êtres humains, on a une force. On a une force, mais c'est une force qui est créée par Allah subhanahu wa ta'ala et qui est limitée. Hein? Elle n'est pas absolue comme la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme je disais, ces gens-là n'ont aucune compréhension. Et quand je lui expliquais que le fait de reconnaître ça, ça ne fait pas de toi un musulman. Parce que je lui dis, même si tu disais par exemple que oui c'est vrai, seul Allah subhanahu wa ta'ala a la force, ou bien c'est Allah qui a créé toute la force, et que c'est, il faut croire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le maître de l'univers, que c'est lui qui est le créateur, et c'est lui qui peut nuire, et c'est lui qui peut profiter, il faut mettre notre confiance en lui. Même si tu crois en ça, et que tu adores les tombes, et que tu adores les morts, et que tu adores les idoles, eh bien tu ne seras pas musulman. Et même si tu penses que c'est ça la signification de la ilaha illallah, tu n'as rien compris. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle aux mushrikin. Il parle des mushrikin dans le Coran. Il dit aux messagers, « وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَقُولُنَّ اللَّهِ » Hein? Donc si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Donc c'est la preuve qu'il reconnaissait et il croyait en ça. J'ai expliqué à ce frère que ce n'était pas ça la signification de la ilaha illallah. Et là, il a compris lui-même qu'il y avait un problème dans sa compréhension du tawhid et de la ilaha illallah. Et donc, comment quelqu'un qui prétend vouloir faire la da'wah, qui veut appeler les gens à l'islam, qui veut appeler les gens à la pratique de la religion, la base même de l'islam, le fondement le plus important de la religion, il ne connaît pas sa signification. Donc à quoi il appelle? À quoi il va appeler les gens, cette personne-là? Donc, le cheikh ici, il dit ensuite, donc il croit que le fait de prendre les moyens nécessaires pour faire quelque chose, de croire aux causes et aux effets, ça c'est quelque chose qui est contraire à la ilaha illallah, qui est la bonne parole. Et il considère que de prendre les causes et les effets, de prendre les moyens nécessaires pour faire quelque chose, que ça c'est une forme de tarout, une forme d'idole. Et pour eux, les idoles sont de 5 seulement. Et parmi ces 5-là, la première c'est le fait de chercher un moyen ou chercher un moyen de subsistance, c'est-à-dire de travailler pour gagner sa vie. Pour eux, ça, c'est une idole, même si c'est fait de façon halal, parce que selon eux, ça distrait de la religion. Et Abu Abdullah, c'est l'auteur du livre, il dit, et la fausseté de cette parole, elle est claire, elle est apparente, elle est évidente. Et c'est une chose qui est connue. Mais ça, c'est une. Il ne faut pas oublier que c'est une idée soufie, une idée qui vient du soufisme, que de travailler, c'est quelque chose qui est contraire à la religion et que ça distrait de l'adoration. Et donc ça, c'est une idée fausse, complètement fausse par rapport au soufisme, qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna. L'imam des monothéistes, c'est-à-dire de ceux qui étaient sur le tawhid, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a travaillé. Il faisait du commerce. Hein? Et Nuh, alayhi salam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a noyé son peuple, hein, lorsqu'il a fait faire le déluge, eh bien, il a ordonné à Nuh, alayhi salam, de faire le bateau, de faire l'arche pour se sauver de la noyade. Donc, il a pris un moyen pour se sauver. Hein? Il n'a pas dit je vais rester comme ça, puis Allah va me sauver. Il a fait ce que Allah lui a ordonné, de prendre les moyens nécessaires pour être sauvé. Puis, Zakaria était un charpentier, quelqu'un qui travaillait le bois. Hein? Et Daoud était quelqu'un qui fabriquait des armures, des choses de ce genre. Donc, chacun des prophètes, on voit qu'ils avaient un travail, qu'ils avaient un métier, qu'ils avaient quelque chose qu'ils faisaient pour gagner leur vie. Hein? Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils disent pour Jamaat Tablir, tous ces prophètes sont des gens qui étaient sur le tawhid. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire en réalité? Cheikh, il dit qu'en réalité, ils essaient de dire que Jamaat Tablir, ou bien les soufis, ils ont atteint un degré que même les prophètes n'ont pas réussi à atteindre. C'est ça la réalité. Quand ils parlent des prophètes de cette manière-là, ils disent, regardez, les prophètes, eux, ils travaillaient. Hein, il faisait du commerce, il prenait les causes et les effets. Nous, on a dépassé ce niveau-là et on est plus haut encore, on n'a même plus besoin de prendre les causes et effets, hein, et on s'en remet directement à Allah, entièrement, soi-disant, selon ce qu'ils disent, et en plus de ça, on n'a même pas besoin de travailler, on se consacre uniquement à l'adoration. Donc ça, c'est une des idées qui est enseignée par les têtes du soufisme parmi les chouyours qui sont les plus respectés parmi les soufis. C'est Ibn Arabi, celui qui est le cheikh des soufis. Hein. Il l'appelle Cheikh Al-Akbar. Et Al-Hallaj, qui a été exécuté lui aussi à cause de ses idées hérétiques, parce qu'il disait que Allah était en lui et qu'il était un avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou des choses de ce genre, qui sont des paroles de kufr. Ils sont les premiers hérétiques parmi les soufis, les plus connus pour leur hérésie et pour leur déviation et leur kufr et leur égarement. ومن الأدلة الرادة عليهم قوله وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. Donc le cheikh il mentionne des versets comme le verset 15 dans surat al-Mulk et le verset 10 dans surat al-Jumu'ah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous incite de prendre les moyens nécessaires pour arriver à faire ce qu'il nous demande et à gagner notre subsistance. وهذا بهذا يعلم ان ترك اخذ الاسباب شرك وقدح في معنى لا اله الا الله. Cheikh il dit c'est ainsi qu'on peut comprendre que d'abandonner le fait de prendre les causes nécessaires que Allah nous a permis de prendre pour arriver à notre but dans qu'est-ce qui est halal, et bien ça c'est d'abandonner ça, c'est une forme de shirk et c'est quelque chose qui vient en contradiction avec la signification de la ilaha illallah. لأن فيه ردا لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة والله هو الذي خلق الأسباب لنستعين بها على إقامة توحيده ومداومة عبادته. C'est-à-dire que pourquoi il y a un problème dans la signification de la ilaha illallah pour celui qui nie le fait de prendre les causes nécessaires, c'est parce que la personne qui fait ça, c'est comme si elle rejette les preuves du Coran et de la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les causes. Et il nous a ordonné de prendre ces causes-là pour, comme aide ou comme support dans le sens que pour établir son tawhid. Dans le sens que, par exemple, si tu as faim, tu vas manger. Et si ton intention, tu manges dans le but d'avoir de la force pour pouvoir continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une cause que Allah subhanahu wa ta'ala a créée qui va t'aider à établir le tawhid. Ça c'est un exemple. Et yani, d'autres choses également. Donc le fait de travailler, tu gagnes ton risque d'une façon qui est halal, tu vas pouvoir yani, continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ce risque que tu vas gagner et pour continuer à l'adorer et à établir le tawhid. فَتَرْكُ الْأَسْبَابْ قَدْحٌ فِي الشَّرِيعَةِ واعتماد على الأسباب وحدها دون الله شرك بل الاعتماد والتوكل على الله والأخذ بالأسباب وسيلة فقط. Donc le cheikh dit ici que d'abandonner les causes c'est une insulte, une attaque à la charia, et le fait de se reposer uniquement sur les causes et d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est du shirk. Donc il faut être entre ces deux extrêmes là il faut ne pas nier les causes et les effets qu'Allah a créés, comprendre ça, et en même temps, il ne faut pas non plus se reposer uniquement sur les causes et les effets, mais s'en remettre à Allah une fois qu'on a pris les moyens nécessaires qui sont permis pour nous, et bien de s'en remettre à Allah et de mettre notre confiance et de se reposer sur Allah et de savoir que le fait de prendre les moyens nécessaires pour arriver à notre objectif, c'est seulement un moyen. Et c'est pas ça qui nous garantit le succès et le résultat. Ensuite, comme deuxième point, wa idkhalul yaqin as-sadiq ala dhatillah. C'est-à-dire de faire rentrer la certitude véridique et sincère à propos de Allah subhanahu wa ta'ala. En l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, en Allah lui-même. Faire rentrer la certitude véridique en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, الشيخ dit وهذا الكلام يلزم به يلزم منه وحدة الوجود ومعناه الحلول والاتحاد وهو أن الله حل في كل شيء من المخلوق من حجر من شجر من إنسان من جن ويشهد لهذا ما قاله عبد الوهاب الشعراني أحد زعمائهم وأقره بعضهم بقول قال وليعلم أن السر في تجاوز العبد عن حده هو أن الله خلقه على صورته ومن المعلوم أن الله يوصف بصفات الجلالية مثل الكبرياء والحياة والعزة والجلال فسرت هذه الأوصاف في صورته قال إن الله سبحانه وتعالى هو منبع الجمال كله حقيقة ولا جمال في الدنيا حقيقة إلا جماله أم الأمراض وتبليغ النصاب. قلت وهذا هي أساس عقيدة وحدة الوجود التي اكتسبها التبليغ من زعيم الصوفية الأول الحلاج وكذا ابن عربي وهذا هو تسريح زكريا أحد مشايخهم حيث قال إن عقيدة وحدة الوجود بداية التصوف. Donc il explique ici que dans cette croyance, dans cette expression-là, de faire rentrer la certitude véridique en Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est la croyance en l'unicité de l'existence. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est en tout et il est partout. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans les arbres, dans les pierres, dans les roches, dans l'être humain, dans les djinns et dans tout ce qui existe. Et qu'on ne peut pas distinguer entre la création et le créateur et la créature. Ça, c'est un des enseignements qui est enseigné par les soufis. Et ils citent différentes personnes qui ont parlé, qui ont dit des choses de ce genre, et puis ils mentionnent ensuite les paroles de Mohammed Zakaria, hein, un de leurs chouyouk, qui s'appelle Zakaria, qui a dit que la aqida de Wahdatul Wujud, c'est le début du soufisme. Donc ça, ça indique, yani, ça c'est mentionné dans Shama'im Imdadiyya. Donc ça c'était à la page 70 de ce livre-là, il mentionne ça. ولا يخفى على عاقل أن هذا القول وحدة الوجود كفر بواح مناف لقوله تعالى ليس كمثله شيء. Donc cette parole en Wahdatul Wujud, elle est complètement en opposition avec l'islam. C'est une forme de kufr clair. Et les ulama ont déclaré que cette parole-là, c'est une parole de kufr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien qui est comme, semblable à lui. Ça, c'est dans le verset 11, dans Surah Shura. Hein? Et qu'il est au-delà de son trône et qu'il est séparé de sa création, et qu'il ne se mélange pas avec sa création. Hein? Et donc ça, c'est des choses qui réfutent clairement que c'est ce que ces gens-là prétendent. وقولهم أنه لا خالق إلا الله هم بهذا لا يزيدون على ما كان عليه المشركون قبل الإسلام كما تقدم لك وهؤلاء أيضا يفسرون معنى لا إله إلا الله بمعنى توحيد الربوبية وهو أن الله هو الخالق الرازق المدبر وقد كان المشركون يقرون بهذا التوحيد وكما ذكر الله ذلك عنهم في آية كثيرة من القرآن ولم ينفعهم ذلك ولم يدخلهم في الإسلام وقد جاهل التبليغيين معنى لا إله إلا الله على الحقيقة وهو أنه لا معبود بحق إلا الله المستحق للعبادة دون ما سواه فيجب إفراده بجميع أنواع العبادة ولا يجوز صرف شيء منها لغيره ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد جعل ذلك الغير شريكا له في ألوهيته ومن خفي عليه هذا المعنى فهو من أجهل الناس ولا خير فيه. Donc le cheikh, il explique ici, il dit qu'ils expliquent la signification de la ilaha illallah en disant il n'y a pas de créateur excepté Allah, il n'y a pas de gens qui donnent la subsistance, il n'y a personne qui donne la subsistance ou qui pourvoit la subsistance ou qui fait vivre ou qui fait mourir ou qui contrôle le monde et qui a de pouvoir excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la parole qu'ils disent, et cette parole là ça n'augmente rien à ce que les mouchriquins avant l'islam disaient. C'est-à-dire que le fait d'interpréter la ilaha illallah par tawhid al-rububiyya, c'est une chose qui est de demander aux gens de dire quelque chose qui est déjà accepté, même par les mouchriquins à l'époque, qui croyaient que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur des cieux et de la terre, comme vous pouvez le retrouvé dans plusieurs versets dans le Coran. On l'a mentionné tout à l'heure, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Parce que la ilaha, le mot ilah ici, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quelque chose qui est adoré. Al-ma'boud. Et donc al-ma'boud, tout ce qui est adoré, que ce soit quelque chose qui est adoré et qui mérite ou qui mérite pas. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu dis la ilah, tu nies pas tout, comme le soufi, comme le tabliri, qu'est-ce qu'il m'a dit, tu nies tout. Non, tu nies pas tout. Tu nies tout ce qui est adoré. Tout ce qui est adoré. Donc ça veut dire que tout ce qui est adoré par les êtres humains, que ce soit vrai ou faux, tu le nies excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça veut dire. Donc si les gens adorent une tombe, ou adorent un saint, ou adorent un arbre, ou adorent une pierre, ou adorent une image, ou adorent un homme, ou adorent un djinn, ou adorent une statue, ou n'importe quoi, le soleil, ou la lune, hein, ou un pas de bonheur, ou n'importe quoi. Si quelqu'un adore quoi que ce soit, tu le nies. Tout ça, c'est nié. Et le seul que tu affirmes comme étant celui qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le maître, celui qui donne la subsistance, celui qui fait vivre, celui qui fait mourir. C'est lui seul que tu adores. Et l'adoration, c'est tout ce que tu fais comme action ou comme parole qui fait partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et des choses que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Et donc, si tu offres une de ces adorations-là à quelque chose autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, alors dans ce cas-là, tu es rentré dans le shirk, tu as associé avec Allah subhanahu wa ta'ala ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite, ce qui ne mérite pas d'être adoré. Tu as associé avec Allah quelque chose dans l'adoration, tu as commis le shirk. Et ça, même si tu as cru que c'est Allah le créateur, que c'est Allah le maître, que c'est Allah le pourvoyeur, que c'est Allah celui qui fait vivre et qui fait mourir, si tu crois en ça, mais que tu adores d'autres avec Allah, tu es mouchrik. Même si tu dis que Dieu est unique, même si tu dis que Allah est unique, même si tu dis que, même si tu dis que par exemple Allah c'est le créateur et le seul maître, même si tu dis que c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, si tu crois en ça et que tu adores d'autres avec Allah, tu te contredis toi-même. Parce que tu es en train de dire que c'est Allah le seul maître, le seul pourvoyeur, le seul créateur. Puis après, tu passes par quelqu'un pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ordonne de l'adorer directement et de l'adorer lui seul. Et c'était ça le shirk des mushrikines à l'époque. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait ses idoles comme des intercesseurs et comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah." Hein? Les idolâtres à la Mecque à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran à leur sujet, et si ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs, nos intermédiaires auprès d'Allah. Donc ça c'était leur argument. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Az-Zumar au début, il dit: "Ma na'buduhum wal ladhina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa." Donc ceux qui prennent des associés avec Allah subhanahu wa ta'ala, des alliés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent on les adore uniquement pour qu'ils puissent nous rapprocher plus d'Allah. Donc ils savent que ces êtres-là ne sont pas des créateurs, ne sont pas des maîtres, ne sont pas des pourvoyeurs. Ils savent que les idoles n'ont rien créé dans les cieux ni sur la terre. Ils savent qu'ils n'ont aucun contrôle. Ils savent que si tu prends un marteau puis que tu frappes l'idole, l'idole va être cassée et qu'elle ne peut rien faire pour se protéger ou pour se refaire elle-même. Ils savent tout ça. Mais ils les prennent comme des intermédiaires et comme des intercesseurs, comme des objets vers lesquels ils prennent comme des points de référence ou des points de repère pour adresser leur adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est comme il y en a des hindous aussi qui disent: on sait que cette statue-là, c'est pas Dieu, que c'est pas elle qui a créé quoi que ce soit. Sauf qu'on l'utilise comme un point pour se concentrer dans notre adoration. Parce qu'étant donné qu'on ne peut pas voir Dieu, donc on fait cette statue-là et ça nous aide à nous concentrer. On utilise cette statue comme un point juste pour nous concentrer dans notre adoration. Hein? Pour passer par cette statue-là pour adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils croient que Allah est partout et dans toutes choses. Eh bien, parmi les gens de Tabligh, vous allez voir qu'il y en a parmi eux qui partent dans le monde entier pour soi-disant appeler à l'islam. Ils vont trouver des gens qui font le shirk, qui adorent des tombes, et même dans leur pays en Inde, c'est rempli de tombes qui sont surélevées et avec des saints dedans que les gens vont visiter et que les gens vont adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Au Pakistan, au Bangladesh, en Inde, partout dans ces pays-là, et dans les autres pays arabes aussi, où les tablirs sont présents, et tu les vois pas dire aucun mot au sujet de ce que ces gens-là font. Et ils vont même pas aller expliquer à ces gens-là la réalité de l'islam et du tawhid. Pourquoi? Parce qu'ils l'ignorent. Eux-mêmes, ils ne connaissent pas cette signification. Ils n'ont pas compris la réelle signification du tawhid et de la ilaha illallah. Alors, ils ne peuvent pas enseigner à ces gens-là d'arrêter d'adorer ça. Ils pensent que c'est secondaire pour eux. puisque pour eux c'est pas ça le shirk. Pour eux le shirk c'est pas d'adorer ces tombes là, c'est pas ça le shirk pour eux. Le shirk pour eux c'est, comme on a dit tout à l'heure, de croire que il y a des que tu crois que ces causes là et que ces moyens que tu utilises, que ces causes là sont des choses sur lesquelles tu dois tu dois faire, ou tu dois croire que seul Allah a le pouvoir. Et si tu crois que tu mets ta confiance ou ton pouvoir en autre que Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir ces choses là alors ça veut dire que tu es mushrik. Si tu crois que ces choses là peuvent t'aider à avoir un bien quelconque dans cette dunya, c'est à dire pour eux tu es un mushrik. T'as pas appliqué le tawhid. Si tu crois que le feu brûle ou que le couteau coupe, t'es un mushrik, parce que t'as pas enlevé de ton cœur l'idée que c'est Allah seul qui existe, que c'est lui seul qui a le pouvoir, etc. C'est ça qu'ils ont compris eux par le tawhid, de nier les causes et les effets. Et que même si tu adores des idoles ou des statues, ou que tu pries des morts, mais que tu dis c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul maître créateur, ça y est, t'es sur le tawhid, même si tu adores d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il mentionne les paroles de cheikh Saleh Al-Fawzan à ce sujet-là. Il dit amma tafsiruha bi annahu la khaliq hada tafsir batil laysa qasiran faqat لأن لا إله إلا الله لم يأتي لتقرير أنه لا خالق إلا الله وهذا يقر به المشركون فلو كان معناها لا خالق إلا الله لصار المشركون موحدون قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الشيخ il dit d'expliquer le tawhid et de dire que ça veut dire qu'il n'y a de créateur que Allah, ou il n'y a pas de créateur excepté Allah. Ça, c'est une explication qui est fausse. Elle n'est pas seulement incomplète, c'est une explication qui est totalement fausse. Parce que la parole de la ilaha illallah, ça ne veut pas dire qu'il n'y a de créateur que Allah. Ça ne veut pas dire ça du tout. En fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à ce que s'imaginent les gens de Tablir et les autres gens de Bid'a, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu dire aux gens de la Mecque ou aux gens de Médine, les mouchriquins, il n'est pas venu leur dire il faut croire que Allah existe, ou il faut croire que Allah c'est le maître et le créateur. Comme on a dit tout à l'heure, ils croyaient déjà en ça, ils acceptaient déjà ça, c'était déjà compris, c'était pas ça le problème. Le problème c'est qu'ils adoraient d'autres avec Allah, comme on a dit tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose, c'est tellement simple en apparence à comprendre, et pourtant, ces gens-là refusent de l'accepter, ils refusent de comprendre. Hein? Après, il mentionne les paroles de Saif al-Rahman, hafizahullah. Il dit, وَمَعْلُومٌ عِلْمًا وَاقِعِيًا أَنَّ تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةَ لَا يَتَأَتَّى وَلَا يُقْبَلْ إِلَّا مَعَ تَوْحِيدَ الْأُلُوهِيَّةَ حَيْثُ إِنَّ تَوْحِيدَ الْأُلُوهِيَّةَ غَايَةُ التَّخْلِيقِ وعين الإيمان والتصديق لجميع أنواع التوحيد أركان الإيمان شامل للإسلام للإسلام كله والعبادات كلها وذلك واضح في كلمة لا إله إلا الله بالنفي والإثبات المفيد لمعنى الحصر التام وذلك واضح في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى, il nous ordonne de dire la ilaha illallah et de témoigner de son unicité. Et dans le témoignage de la ilaha illallah, il y a deux parties, la négation et l'affirmation. La négation de tout ce qui est adoré, excepté, et là tu affirmes que c'est seulement Allah qui mérite d'être adoré. Donc il y a la négation et l'affirmation, et un ne va pas sans l'autre. D'accord? Donc quand tu vois que ces gens-là, ils disent la ilaha illallah et ils expliquent ça par d'autres choses que la signification de la ilaha illallah, ça c'est la preuve de leur ignorance et de leur égarement. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفسير جماعة التبليغ ليس بصحيح لأن تفسيرها على هذا الوجه لا يتحقق به إلا توحيد الربوبية فقط ومعلوم أن التوحيد الربوبية وحده لا يدخل الإنسان في الإسلام ولو كان يدخله في الإسلام ويعصم دمه وماله لكان المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون لا تحل دماؤهم لأنهم يؤمنون بإيمانا كاملا ويقرون إقرارا كاملا بأن الله سبحانه وحده هو الخالق الرازق المدبر للأمور ومع ذلك فإنهم لم يدخلوا في الإسلام بل استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم ونساءهم وورث أرضهم ومعنى كلمة التوحيد الصحيح أنه لا معبود بحق إلا الله وأن جميع المعبودات من دون الله معبودات باطلة كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ولم يفهم المسلمون بهذه الكلمة العظيمة سوى هذا المعنى للشيخ الذي يسكى ابن la signification de Jama'at, comment ils ont expliqué la ilaha illallah, Jama'at Tabligh, ils ont expliqué ça d'une façon qui n'est pas correcte. Parce que l'explication de cette façon-là, elle ne fait que réaliser la compréhension du Tawhid dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Et c'est connu que le Tawhid de la souveraineté, le Tawhid al-Rububiyya, à lui seul ne fait pas entrer une personne en islam. C'est pour ça que lorsque vous voyez des gens qui traduisent le tawhid et qui disent « il n'est de Dieu que Dieu » ou « il n'est de créateur que Dieu » ou des choses comme ça, si quelqu'un rentre dans l'islam et tu lui expliques le shahad en lui disant que ça veut dire ça, alors tu ne lui as pas expliqué l'islam encore. Et il n'est pas encore rentré dans l'islam tant qu'il n'a pas compris que d'être musulman et de dire « la ilaha illallah » ça veut dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la vraie signification du tawhid et de la ilaha illallah. Et non pas d'accepter ou de croire qu'il n'y a de créateur que Allah. Ça, même les juifs et les chrétiens et les mouchriquins, ils le disent. Et c'est pour ça que le cheikh Ibn Uthaymin, il dit ici, si le fait de croire en Ar-Rububiyya, ça suffisait, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas invité les mouchriquins à devenir musulmans, puisqu'ils auraient déjà appliqué cet aspect-là. Hein? Ils reconnaissaient déjà cet aspect-là. Et leur saint et leur bien n'auraient pas été permis. Ils n'auraient pas été permis non plus de les combattre, puisqu'ils auraient eu une foi qui était complète. Parce qu'ils ont déjà confirmé et accepté que Allah seul, c'est lui le créateur, le pourvoyeur, celui qui contrôle tout. Hein? Donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas considérés comme étant des musulmans et n'a pas accepté leur témoignage du fait qu'ils croyaient en l'existence de Dieu et qu'ils croyaient que Dieu était le créateur et qu'il était unique et qu'il était le seul maître, hein, le fait qu'il n'a pas accepté ça et qu'il les a combattus et qu'il a rendu licite leur sang et leurs biens et qu'il a pris leurs enfants et leurs femmes en esclavage et qu'il a hérité de leurs terres, ça c'est la preuve que cet aspect de Ar-Rububiyya n'est pas suffisante pour considérer que quelqu'un est un musulman. Et donc il dit le cheikh que la vraie signification de la ilaha illallah, c'est de dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et que tout ce qui est adoré par les hommes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des fausses divinités. Tout ce qui est adoré par les hommes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des fausses divinités. Peu importe ce que ça peut être, même si c'est un prophète, même si c'est un ange, même si c'est un djinn, même si c'est un arbre ou une roche ou une pierre. Et donc c'est pour ça que quand tu retrouves dans les livres d'établir des demandes d'aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des prières dirigées au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lesquelles il lui demande alors qu'il est mort, enterré dans sa tombe, qu'il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder pour eux, ça c'est des invocations qu'ils font au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont des formes d'adoration et qui sont des formes de shirk majeur, hein? Ça veut dire qu'ils ont pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un objet d'adoration, comme une divinité. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas compris la réalité de la ilaha illallah. Et les soufis qui lisent ces livres-là et qui voient ces Jama'at Tabligh, qui voient leurs livres Tabligh et Nisab ou bien Fada'il A'mal, comme ils ont changé le nom de Tabligh et Nisab, ils l'ont appelé Fada'il A'mal, alors que c'est le même livre. C'est juste le titre qui est différent. Et ça c'est pour dire que dans ce livre-là, il y a des formes de shirk dedans et de kufr, et ces gens-là, ils continuent à l'utiliser comme référence dans leur da'wa soi-disant. Et le cheikh, il mentionne comme preuve pour montrer la signification de la ilaha illallah tel que il l'explique, que ça veut dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Il mentionne le verset 62 dans sourate al-Hajj, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ça c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est la vérité, et que ce qu'ils invoquent en dehors de lui c'est le faux, et que Allah subhanahu wa ta'ala il est le très haut et le très grand. Donc il dit le cheikh, quand on regarde cette explication de la ilaha illallah, on voit que les musulmans, les premiers musulmans, jusqu'à nos jours, parmi les ulama qui ont suivi la voie des premiers musulmans, qui ont suivi la voie des salaf salih, ils n'ont jamais compris autre chose que ça en disant la ilaha illallah. وَلِهَذَا قَالَ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ أَيَا الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُمْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتُنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh, il dit, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet des mushrikins que lorsqu'on leur disait La ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil. Et ils disaient, est-ce qu'on va abandonner nos idoles pour un poète fou? Donc ça c'est dans les versets 35 et 36 dans sourate As-Saffat. فَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَفْهَمُوا لِمَعْنَى كَلِمَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مِنْ هَذَا الَّذِي جَعَلَ مَعْنَاهَا مُجَرَّدَ الْيَقِينِ وَالْإِيمَانِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ. Donc le cheikh il dit, on peut donc comprendre ici que les mushrikins avaient une meilleure compréhension de la signification de la ilaha illallah que celui qui dit que c'est uniquement d'avoir la certitude ou la foi que Allah est le créateur et le pourvoyeur. Hein? Donc ça c'est pour dire que les mushrikins, quand on leur disait la ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Est-ce qu'on va abandonner nos idoles pour un poète fou? Ils ont compris que la ilaha illallah implique d'abandonner les idoles. Ils ont compris ça. Et ils ont su que le fait de dire la ilaha illallah, s'ils veulent le dire, ils doivent arrêter de les adorer. Et ils ne voulaient pas arrêter de les adorer. Parce qu'ils refusaient d'accepter la vérité. Alors, ils s'enflaient d'orgueil à ce moment-là. Tandis que les gens d'aujourd'hui, parmi ces gens-là, ils disent la ilaha illallah, mais ils ne veulent pas cesser d'adorer ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils pensent que de dire que Allah est le créateur et que Allah est le pourvoyeur et que Allah est celui qui fait vivre et qui fait mourir, ils croient que c'est ça le tawhid. Hein? Ils croient que c'est ça seulement le tawhid. Et bien sûr que c'est pas ça seulement le tawhid, et que ça c'est juste tawhid al-rububiyya, et que c'est pas suffisant pour que quelqu'un soit considéré comme étant musulman. الشيخ يقول هذه مسألة عظيمة يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله من هذا التفسير الفاسد لمعنى لا إله إلا الله وأن يرجع إلى التفسير الصحيح الذي اتفق عليه المسلمون والذي يفهم هذه الكلمة العظيمة يفهمه حتى المشركون الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit que ça c'est une chose très importante, et un individu, un être humain qui a cette mauvaise compréhension de la ilaha illallah, il doit se repentir. Il doit se repentir de cette fausse compréhension de la ilaha illallah et revenir à la vraie signification, la signification sur laquelle tous les musulmans étaient d'accord, hein, et il doit comprendre la réalité de cette parole de la ilaha illallah que même les mushrikins, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, avait compris. Les mushrikins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus, hein, et ils avaient compris la signification de la ilaha illallah, et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas l'accepter, parce qu'ils voulaient continuer à adorer les idoles. Ça c'est très important de leur faire comprendre cette chose-là. وأن معنى هذه الكلمة العظيمة لا معبود بحق إلا الله وهذا هو المعنى المتعين فيجب على هذا القائل أن يرجع إلى الحق وإلى الصواب ويقول توحيد الربوبية شيء وتوحيد الألوهية شيء وتوحيد الألوهية شيء آخر ولا يتم أحدهما بدون الآخر. Donc ça c'est pour vous dire que ces gens-là, dans le tablir, étant donné qu'ils sont de l'école de Diobandiya, ils sont sur la aqidah des Maturidiyah, comme les Asha'ira, comme les Ahbash. Ce sont des gens qui affirment seulement Tawhid al-Rububiyya, hein, et ils ne croient pas en Tawhid al-Uluhiyya. Pour eux, ça n'existe pas. Tawhid, l'unicité d'Allah dans l'adoration n'existe pas pour eux. Et donc, pour eux, d'adorer d'autres qu'Allah, de faire des du'as à un mort ou des choses comme ça, ça c'est pas shirk. Pour eux, c'est pas shirk. Hein? Et c'est pour ça que vous les voyez en train d'écrire des livres qui essaient de, dans lesquels ils veulent défendre l'idée qu'on peut, selon eux, adorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et prier au prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire des du'as au prophète sallallahu alayhi wa sallam et non seulement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein? Mais également aux saints et aux shuyukh des turuq soufiyya, et demander le support et l'aide et le secours de leurs shuyukh. Ils écrivent des livres pour ça et ils attaquent tous ceux qui les critiquent et même ils les déclarent comme étant des kuffars. C'est pour ça qu'ils disent que les wahhabis, à ceux qu'ils appellent des wahhabis, ils disent les wahhabis, sont des kuffars. Hein? Ils combattent plus que les juifs, ils combattent ceux qu'ils appellent wahhabis, ils les combattent plus que ceux qu'ils appellent les juifs et les chrétiens. En fait, qu'est-ce qui est étonnant à leur sujet? Qu'est-ce qui est étonnant à leur sujet, c'est que quand ils parlent des juifs et des chrétiens, ils disent ce sont nos frères. Puis quand ils parlent des wahhabis, hein, ceux qu'ils appellent des wahhabis en parlant des salafis, ils les traitent comme si c'était les pires ennemis de l'islam. Hein? Alors que ce sont eux qui appellent au tawhid et à l'islam et à la sunna. Hein? Ils nous prennent comme des ennemis au lieu de prendre les ennemis de l'islam comme des ennemis. Et donc, les maturidiyah sont des gens de kalam, sont des gens qui utilisent la philosophie et ilmul kalam. Et la même chose pour les asha'ira. Ils affirment pas tawhid al-uluhiyya, le tawhid dans l'adoration. Et tawhid al-asma wa sifat, pour eux, ça consiste à quoi? Ça consiste à nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à nier leur réalité. À déformer la réalité de ces attributs-là. De ne pas affirmer. Donc, demandez à Jamaat Tabligh. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous voyez des gens de Jamaat Tabligh, demandez-leur, qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Ils ne savent pas. Et ils vont vous donner une définition autre. Et si vous leur demandez où est Allah, hein, ils vont pas savoir vous répondre, hein, parce qu'ils connaissent pas le tawhid. Et donc la première chose que quelqu'un doit connaître s'il veut faire la da'wah, c'est le tawhid. S'il connaît pas le tawhid, comment il va faire la da'wah? Il va appeler à quoi, hein? Et donc le cheikh il dit donc wa anna ma'na hadhihi al-kalima la ma'buda bi haqqin illa Allah. وهذا هو المعنى المتعين فيجب على هذا القائل أن يرجع إلى الحق والصواب ويقول توحيد الربوبية شيء وتوحيد الألوهية شيء ولا يتم أحدهما بدون الآخر. Donc il faut qu'il revienne à la bonne compréhension de dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et ça c'est obligatoire à chaque musulman, et c'est obligatoire pour la personne qui dit, hein, la mauvaise compréhension du tawhid, de revenir à la vérité et à la bonne compréhension. Et de dire que, il y a le tawhid al-rububiyya, le tawhid de l'unicité d'Allah dans sa souveraineté, et que c'est lui le maître, et que c'est lui le créateur de toutes choses. Et il y a aussi tawhid al-uluhiyya, qui est l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et il faut absolument croire en ces deux tawhid ensemble. Mais comprendre que la ilaha illallah, c'est la signification de que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, c'est-à-dire tawhid al-ibada. Le cheikh il explique ensuite, il dit wa yufassiruna at-tabligh, yufassiruna la ilaha illallah bi la mawjuda illallah. Ça c'est l'exemple que je disais tout à l'heure. Wa hadha at-tafsir munbathiq min aqidati wahdat al-wujud. Unzur ma taqaddama an cheikh ibn Baz, unzur aidan ما قدمناه من النقل حول قولهم إدخال اليقين على ذات الله. Parce que parmi les définitions qu'ils ont de la ilaha illallah, c'est qu'ils disent la mawjouda bihaqin illallah, ou bien ils disent la mawjouda illallah, il n'y a rien qui existe excepté Allah. Donc une des choses par lesquelles ils interprètent le la ilaha illallah, c'est de dire il n'y a rien qui existe excepté Allah. Hein? Il y en a qui expliquent aussi la ilaha illallah en disant la ma'bouda fil wujud illallah. Ça aussi c'est une fausse interprétation. Ça voudrait dire qu'il n'y a rien qui n'est adoré dans ce qui existe excepté Allah. Et ça c'est faux. Parce que parmi les choses qui existent, il y a plein d'idoles qui sont adorées en dehors d'Allah, qui sont des ilahs, considérés par les hommes comme étant des ilahs, mais qui ne méritent pas l'adoration. Donc de dire que parmi ce qui existe dans l'existence, ça c'est un ajout qui est incorrect. Ou bien ceux qui disent la mawjouda illallah, rien n'existe excepté Allah. Et ça c'est la croyance des soufis qu'on a dit tout à l'heure, qui est wahdatul wujud, de nier l'existence des choses et d'affirmer que c'est seul Allah qui existe et que nous on est juste une illusion, hein, comme certains soufis le disent. Nous, la création, le monde qu'on voit autour de nous, c'est une illusion, ça n'existe pas. Tout ce qui existe réellement, c'est Allah. Hein? Alors qu'Allah dit « خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ » Il a créé les cieux et la terre en vérité. Donc, alors qu'eux, ils disent non, le monde n'existe pas réellement, c'est juste Allah qui existe. Et donc ça c'est un exemple de leur égarement et de leur mensonge. قال الشيخ النجمي رحمه الله هذا كلام خطير يقرر فيه قائله وحدة الوجود ولكن في قالب عبارة لا تنكر وإذا قال أحدهم لا إله إلا الله فإنه يعتقد في هذه الكلمة أنه لا موجود إلا الله بمعنى أن كل الموجودات هي الله. Donc eux, c'est comme le cheikh il dit ici, le cheikh al-Najmi, il dit, ça c'est une parole dangereuse qui inspire la croyance en l'unicité de l'existence. Hein? Mais la façon dont il l'exprime, quelqu'un ne pourrait pas le dénoncer parce qu'il ne voit pas le danger qui est dedans. Quand ils disent, par exemple, yani de faire rentrer la certitude correcte en Allah, ils disent, ça c'est exactement la même chose que de dire « La mawjouda illallah », il n'y a rien qui existe excepté Allah. C'est la même parole. Et c'est une croyance de kouf, comme on a dit tout à l'heure. Et si l'un d'entre eux, quand tu demandes à établir qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, lui, quand il le dit, il croit que ça veut dire rien n'existe excepté Allah. Et ça implique également que tout ce qui existe est en réalité Allah pour eux. Hein? C'est ça que ça veut dire. Que tout ce qui existe pour eux est Allah. Et ça, c'est la croyance des soufis égarés. Donc, on voit que la ilaha illallah, ils n'ont pas compris cette parole-là et ils ont contredit les conditions de la ilaha illallah. Il n'y a pas une parmi les conditions de la ilaha illallah, il n'y en a pas une seule qu'ils n'ont pas contredit. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre la réalité du tawhid pour comprendre l'égarement de ces gens-là. Si quelqu'un n'a pas étudié le tawhid, n'a pas compris son tawhid, eh bien, vous allez voir que, peu importe, vous allez essayer de discuter avec ces gens-là, sur n'importe quel sujet de l'islam, vous n'allez jamais être capable de vous entendre et de vous comprendre. Pourquoi ? Parce que votre base, ce n'est pas la même. Et moi, je le sais, j'ai des discussions avec des gens, dernièrement, j'ai parlé avec certains. Depuis 3-4 jours, chaque fois que je vais quelque part, je tombe sur quelqu'un qui fait partie de ces groupes d'égarement, puis. J'ai discuté avec un d'entre eux, on parle de certains sujets, mais ils n'ont aucune référence, aucun fondement, aucune base vers laquelle ils se retournent. Quand ils parlent de sujets, on voit qu'ils prennent un morceau à gauche, un morceau à droite, mais étant donné qu'ils n'ont pas compris le tawhid, on réalise que c'est des gens qui tirent de tous les côtés et ne savent pas réellement où ils s'en vont. Et ça, c'est dommage parce qu'ils ne veulent pas apprendre le tawhid. Pour eux, ils ont déjà compris. Donc, ils n'ont pas besoin d'étudier le tawhid puisqu'ils pensent que c'est eux qui l'ont compris réellement. Hein? Et donc, c'est ça le grand malheur. Donc maintenant qu'on a expliqué ça, qu'on a compris ça, on peut lire maintenant quelques parties de la parole de des paroles du cheikh Sultan Al-Aïd. Mais il y a quelqu'un qui m'a suggéré que on fasse le cours sur l'établir deux jours par semaine. Au lieu de faire que un jour par semaine, de le faire deux jours par semaine. Et ce serait une bonne idée. Sauf que je ne sais pas vraiment quel jour on pourrait le mettre le deuxième cours. Puisque déjà c'est bien rempli pour l'instant. Donc, Allahu A'lam. Peut-être qu'on pourrait le faire. Le jeudi ou le mardi, demain. En tout cas, on pourrait faire ça demain, le mardi. Lundi et mardi, on ferait sur Jamaat Tablir. Donc, j'enverrai le message et puis on fera, en plus du lundi, on fera le mardi aussi sur Jamaat Tablir. Donc, ici, le cheikh, il dit encore une fois, « هذه الجماعة » Ça, c'est les paroles de Sultan Al-Aïd. Il dit, « Aqidatu Jama'at al-Tablir » La Aqida de Jama'at al-Tablir. Il dit, « هذه الجماعة صوفية ماتوريدية ديوبندية خرافية » Donc, c'est une jama'a, comme on a dit, soufia et maturidia. Le maturidia, dans leur Aqida, c'est presque la même chose que les Asha'ira et les Ahbash. Ils croient juste en 7 ou 13 attributs. Il y en a qui disent 7, 8, 14... Ils ne sont pas toujours d'accord entre eux sur le nombre d'attributs qu'ils doivent affirmer. Et ils les déforment de la réalité de leur sens. Et si tu leur demandes où est Allah, pour eux c'est un crime de poser cette question-là. Et ils ne croient pas que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de son trône, comme il le dit dans le Coran. Ar-Rahman ou ala l'arsh istawa, thumma istawa ala l'arsh. Ces versets-là, ils disent non, on ne croit pas en ça de cette manière. Pour eux, ça veut dire que Dieu a conquis le trône. Et ça, c'est une déformation de la signification réelle de Ar-Rahman ou Al-Arsh Istawa. Ok? Parce que ça fait partie de cette aqida des Maturidiyya. Ils croient uniquement en Tawhid al-Rububiyya et c'est des gens de Kalam. Ils utilisent la philosophie pour essayer de prouver l'existence de Dieu aux athées. Et après qu'ils ont réussi à faire croire en quelqu'un l'existence de Dieu, c'est fini. Après, tu peux adorer ce que tu veux. Donc ça, c'est l'égarement. Et le cheikh, il dit, وَنَشْأَةً وَمُعْتَقَدًا وَدَعْوَةً. C'est-à-dire que, à la base de cette secte, de la secte de Jamaat Tablir, il y a ces tendances-là, de Diobandiya, de Maturidiya, de Soufiya, et leur aqidah, elle est basée là-dessus, et leur da'wa, elle est basée là-dessus. Et donc, personne peut rentrer dans la jama'a ou dans la secte si ils commencent à les critiquer, ils vont se faire rejeter et ils vont se faire éjecter rapidement. وهذا كاف في بيان ضلالها وانحرافها وقد اعترف شيخ الجماعة محمد زكريا الكندهلوي بأن التصوف والسلوك المعروف اليوم لم يكن موجودا في عهد الصحابة والتابعين ومع ذلك فهم مصرون على التمسك على هذه الطريقة المحدثة التي تزداد انحرافا وضلالا قرنا بعد قرن. Donc ici le cheikh il explique, il dit que même le fait que cette secte soit basée sur ces tendances là, c'est la preuve, c'est suffisant pour dire qu'elle est égarée et qu'elle est déviée. Et même le cheikh de la jama'a, un des chefs de la jama'a qui s'appelait Mohamed Zakaria Al-Kandahlawi, il a reconnu que le soufisme et le souluk, la voie que les soufis empruntent pour pratiquer leur soufisme, aujourd'hui n'existait pas à l'époque des sahaba et des tabi'in. Et donc c'est pour ça que je dis toujours aux soufis, vous dites que les soufis existaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où est-ce qu'elles étaient les turuq que vous suivez aujourd'hui, où est-ce qu'elles étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque des sahaba? Et est-ce qu'aujourd'hui, comme ils prétendent, est-ce que s'il y a des bons soufis, est-ce qu'il y a une tariqa aujourd'hui qui existe dans le monde qui suit une voie qui est complètement et uniquement en accord avec le Coran et la Sunna et qui n'a pas de bid'a? Tu ne trouveras pas ça. La plupart des turuq ont toutes des bid'ah. Déjà en partant, pour rentrer dans la tariqa, il faut faire une bay'ah au cheikh et une allégeance. Et ça, en soi, c'est une innovation. Donc comment essayer de prétendre qu'il y a du bon soufisme, hein? Donc, le cheikh, il dit, malgré qu'ils reconnaissent que cette voie n'existait pas au temps des sahaba et des tabi'in, ils continuent et ils persistent à vouloir s'accrocher à cette voie qui est innovée, qui ne fait qu'augmenter en déviation et en égarement siècle après siècle. وكان شيخ هذه الجماعة محمد زكريا يعظم من يستغيث بأصحاب القبور ويدعوهم ومن ذلك تمثله في كتابهم الذي قرروا تدريسه تبليغ نصاب بكلام ابن الرومي مستغيثا برسول الله صلى الله عليه وسلم ترحم يا نبي الله ترحم ترحم يا نبي الله ترحم هذا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ثم يقرر شيخهم ذلك على مريديه. Donc il dit que le cheikh de la jama'a, Mohamed Zakaria, il vénérait ceux qui cherchent le secours, hein, les gens qui sont enterrés dans leur tombe et qui les invoquent. Et on remarque ça dans l'exemple qui est marqué dans leur livre, qui est un des livres qui est, conseillé comme étant la base de la référence des jama'at tablir qu'ils appellent. Tablir Inisab, et qui a été changé en Fada'il al-A'mal. Bon, ce livre-là, dans ce livre-là, on retrouve la parole de Ibn Rumi, dans laquelle il cherche le secours du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, fais-nous miséricorde, ô prophète d'Allah, fais-nous miséricorde. Donc, il invoque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il l'appelle au secours et lui demande sa miséricorde. Et donc, ça, c'est du shirk. Et puis, tu vois que leur cheikh, Mohamed Zakaria, il enseigne ça à ses mourides, à ceux qui le suivent. Il leur conseille de lire ce livre-là et il se base sur ce livre-là. وكان يقول على قبر مؤسس الجماعة شيخهم الأكبر محمد إلياس إن صاحب هذا القبر يوزع النور الذي ينزل من السماء من قبره بين مريديه يعني التبليغ حسب قوة الارتباط والتعلق وهذا يسمى في اصطلاح التصوف استمدادا نعوذ بالله من الضلال. Il dit également que le fondateur de cette il disait Mohamed Zakaria à propos du fondateur de la Jama'a, c'est-à-dire leur cheikh, leur grand cheikh Mohamed Elias, il dit que celui qui est dans cette tombe, en parlant de la tombe du cheikh, qui est en passant à l'intérieur de la mosquée, là-bas dans leur centre, au Nouveau Delhi, à New Delhi, ils ont 4 tombes à l'intérieur de la mosquée. Et ils sont tous enterrés dans cette mosquée-là. Donc, Yani, il dit, la personne qui est dans cette tombe, en parlant du cheikh, de leur cheikh, il distribue sa lumière qui tombe du ciel vers sa tombe, et il la distribue pour tous ses fidèles parmi les tablirs, selon la force de l'attachement qu'il y a entre lui et entre les fidèles et leur cheikh. Donc ça, c'est la aqida des soufis qu'ils appellent istimdad. Hein. Ils croient qu'il y a la lumière d'Allah qui descend du ciel, qui tombe sur la tombe, qui descend sur la tombe de leur cheikh, et après cette lumière est distribuée à partir de leur cheikh vers chacun des gens qui suivent le cheikh. Hein, selon la force de l'attachement qu'ils ont pour leur cheikh, ils croient en ça. Et donc ça, c'est bien entendu une forme d'égarement également. Et le cheikh, il dit ensuite, وكان يقول محرضا على طلب البركة من القبور والعكوف عندها بركات المزارات أي القبور ذات القباب والبناء شيء لا ينكر وبركاتها مسلمة وعظيمة. Donc il disait, Mohamed Zakaria, en incitant les gens à chercher la baraka des tombes et de rester en proximité des tombes, parce que c'est ça ce qu'ils font les soufis, ils s'en vont près des tombes et ils restent assis près de la tombe pendant des heures et des heures, et ils pensent que le fait d'être là, la baraka du cheikh, elle sort de la tombe, elle rentre en leur corps, en eux, et donc ils croient qu'il y a une baraka là-dedans. Et donc, il incite les gens à chercher cette baraka-là auprès des tombes. Et il dit, la baraka qui vient du fait qu'on visite les tombes, et c'est-à-dire les tombes sur lesquelles il y a des dômes et des constructions, c'est, il dit que c'est une chose qu'on ne peut pas nier, et sa bénédiction, c'est une chose qui est acceptée et qui est grande. Okay. Ensuite, il dit, « Bal dhakara shaykh al-jama'a » هذا الذي يصدرون عن رأيه ويعظمون كتبه ذكر في كتابه فضائل الحج أمرا منكرا حيث يقول عن مشايخهم البعض منهم تذهب إليهم الكعبة لزيارتهم. Donc le fondateur de Jamaat Tabligh, il disait dans un des livres qu'il a écrit qui s'appelle Fada'il al-Hajj, hein, et ça c'est le cheikh, le fondateur Mohamed Elias, il a dit quelque chose de très grave. Parmi, cette chose-là, c'est quoi? Il parle de ses chouyours. Il dit que certains d'entre eux, la Kaaba, elle va les visiter. C'est pas eux qui vont à la Mecque pour faire le tawaf autour de la Kaaba. La Kaaba, elle se déplace pour aller les visiter eux, pour aller faire le tawaf autour de leur tombe. Et ça, c'est un exemple. Ensuite, il dit Wayakou, le cheikh سردار محمد الباكستاني الذي قضى 10 سنوات مع هذه الجماعة ثم كتب شهادته جماعة التبليغ تؤمن بالطرق الأربعة الصوفية الجستية والنقشبندية والقادرية والسهوردية وتزعم أنه لو مات أحد منهم ولم يبايع على يد شيخ الطريقة مات ميتة جاهلية. Il dit que leur شيخ Sirdar Muhammad al-Pakistani, c'est un cheikh qui s'appelle Sirdar Muhammad al-Pakistani. Il a passé 10 ans de sa vie avec cette jama'a, puis après il a écrit son témoignage. Et il a dit dans ce témoignage, Jama'at Tabligh, elle croit en 4 turuq parmi les turuq soufiyya, et ce sont c'est al-Jistiyya, et la tariqa Naqshbandiyya, et la tariqa Qadiriyya, et la tariqa al-Sahrawardiyya. Et ils prétendent que celui qui meurt sans avoir donné une bay'a à un des chouyours d'une de ces turuq, et qu'il meurt dans une mort d'ignorance. Il meurt dans une mort qui est comparable à la période de la jahiliya. Donc ça c'est les paroles de ces gens-là. Donc il dit « Faya qawm ala ta'qilun, ala tarawna » ألا ترونهم يصرحون بعقيدتهم الصوفية البدعية ويشهد عليهم الثقات بذلك وأن دعوتهم قائمة عليها ومن يخرج معهم لا بد أن يسير في ركابهم رويدا رويدا بمخطط بطيء. Donc ça c'est pour donner des exemples à ce sujet là. Donc ça c'est pour nous faire comprendre le danger des croyances et des idées qui sont propagées dans cette tariqa. Et même s'ils vont pas venir te voir pour te dire en rentrant, quand tu commences à sortir avec eux, ils vont pas te dire tout de suite, sois soufi, rentre dans la tariqa ou si et ça. Non, ils vont même pas te mentionner rien à ce sujet-là. Ils vont te laisser t'impliquer de plus en plus dans la tariqa, et ils vont te citer des exemples, et des histoires et des paroles, et puis, à la fin, tu vois que tu rentres avec eux, tu t'en aperçois même pas que tu es devenu un soufi. Hein? Et donc ça, c'est le danger de cette tariqa. Hein? Et c'est pour ça que ces gens-là détestent les salafis, parce que les salafis sont des gens qui se basent sur le ilm et qui réfutent les égarements des gens de bid'a et des formes de shirk et des choses de superstition que ces gens-là pratiquent. Et bien entendu, ils ne peuvent pas discuter avec une personne qui a de la science de l'islam et qui connaît son tawhid, qui connaît sa religion et qui connaît la sunna. Hein? Tandis que les ignorants, ils sont bien capables de les attirer et de leur parler. Et de leur parler avec les sentiments, parce qu'ils savent utiliser les paroles qui touchent les musulmans et de les attirer par les sentiments et par les émotions. Malheureusement, ils ont peut-être des bonnes intentions, mais l'intention à elle seule, tout seul, n'est pas suffisante. Il faut qu'elle soit, bien entendu, en accord avec l'ikhlas et en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et on fera le cours demain encore une fois, pour continuer la suite de ce cours là parce que un cours par semaine c'est pas suffisant. Puis si on veut bien comprendre, je pense que deux cours par semaine ça va être plus bénéfique inshallah. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum, et à demain inshallah pour la suite. Inch'Allah.